Raconté comme jamais par Emmanuel Carrère. Le Royaume a été couronné meilleur livre de l'année par le magazine Lire et prix littéraire du monde. Retrouvez-le dès maintenant en librairie. Folio, vous lirez loin. France Inter, il est 17h. Les infos, Laetitia Gaillet, c'est à vous. Un projet pour Alstom, un projet global. D'après Force Ouvrière, aujourd'hui le secrétaire d'État à l'industrie, Christophe Sirugue, devrait le présenter le 30 septembre prochain. Ce projet se portera sur l'ensemble des sites du groupe et préservera surtout celui historique de Belfort, pourtant promis à la fermeture par la direction. Cette information n'a pas encore été toutefois confirmée à ce stade par Alstom et le gouvernement. C'est bien parti, ou en tout cas ça semble bien parti pour les ventes de Rafale à l'Inde. Le gouvernement indien a donné son feu vert aujourd'hui pour la commande de 36 chasseurs de chez Dassault Aviation. La candidature de Rome pour l'organisation des Jeux Olympiques de 2024 est enterrée. La nouvelle maire, Virginia Raggi, a donc officialisé cet après-midi le retrait du soutien de la municipalité. Ce serait irresponsable d'y aller, dit-elle. La ville est trop endettée. Vous voyagez avec votre portable dans l'Union européenne, voilà qui devrait vous intéresser. Dès l'été prochain, il n'y aura plus de coûts supplémentaires. C'est la fin du roaming, des frais d'itinérance dans l'Union européenne, Quentin Dickinson. Il y a 15 jours, Jean-Claude Juncker avait dû intervenir lui-même pour faire retirer par ses services un projet de gratuité de l'itinérance téléphonique fortement revu à la baisse sous la pression des opérateurs de télécommunications. La nouvelle mouture du texte, qui sera finalisée pour la mi-décembre, est beaucoup plus conforme aux promesses que les institutions européennes répètent à l'envi depuis bientôt 10 ans. Dès le 15 juin de l'année prochaine, donc, plus aucune somme supplémentaire par rapport aux tarifs appliqués dans le pays d'origine ne sera prélevée lors de communications passées ou reçues dans un autre pays européen. Et il n'y aura aucune limitation de durée en vocal, en SMS ni en accès à l'Internet. La charge de la démonstration de tout éventuel abus appartiendra désormais à l'entreprise fournisseuse d'accès. Quentin Dickinson, France Inter, à Bruxelles. Ils seront finalement 7 à débattre au cours de la primaire des Républicains. La haute autorité de la primaire a validé les candidatures. Celle d'Hervé Mariton n'a pas été retenue. Ce sont les parrainages d'adhérents qui lui ont fait défaut. On signale des affrontements cet après-midi sur la rocade portuaire de Calais, près de la jungle. Des affrontements entre migrants et forces de l'ordre. Les policiers ont lancé des grenades lacrymogènes pour repousser les réfugiés qui prennent d'assaut la route. Nicolas Sarkozy a fait une visite éclair, lui, ce matin à Calais. On en parle tout à l'heure dans le journal de 18h. Une sœur de Fabien Klein était interpellée hier soir avec mari et enfant à l'aéroport de Roissy. Tous rentraient de Turquie après être partis en Syrie. Anne Klein et son second mari, Mohamed Amri, se sont interrogés actuellement par la Direction générale de la sécurité intérieure. L'aîné de leurs enfants est avec eux. Il est âgé de 16 ans. Les trois autres ont été placés. Anne Klein est donc la sœur de Fabien Klein, l'homme qui a enregistré le message revendiquant les attentats de novembre au nom du groupe État islamique. Au troisième jour d'audience du procès des émeutes de Moirans au tribunal correctionnel de Grenoble, les avocats des parties civiles et la présidente du tribunal ont dénoncé aujourd'hui l'absence de nombreux prévenus. Aujourd'hui, seuls 7 des 12 étaient présents. Et c'est à peine s'ils reconnaissent avoir participé au blocage de la route et de la gare en 2015. La justice doit être à la hauteur de ce qu'il s'est passé, selon maître Denis Dreyfus, c'est l'avocat de la commune de Moirans. Face à la gravité des événements, la justice se doit d'apporter une réponse exemplaire parce que on ne peut pas admettre qu'un territoire de la République, en l'espèce une petite commune qui était connue pour son caractère paisible, soit devenu le symbole du non-droit, de la violence, de la haine et de l'absence totale, c'est ce qui me frappe dans ce procès, de prise de conscience par les intéressés, comme si finalement aujourd'hui ils justifiaient encore la normalité de leur comportement. Les débats n'ont pas apporté grand-chose. Je crois que c'est une grande déception. Il y a quelques exceptions de personnes qui assument. Et puis après, c'est la débandade. Donc fort heureusement, c'est à travers les recoupements de témoignages de personnes entendues sous X parce qu'elles avaient peur des pressions et des menaces, et également le travail d'analyse des photographies et des films de la gendarmerie, que le tribunal va pouvoir se forger une conviction, avec aussi les antécédents judiciaires d'un certain nombre qui ne plaident pas en leur faveur. Des propos recueillis par Véronique Savuc de France Bleu Isère. Les victimes des émeutes réclament au total plus de 400 000 euros de dommages et intérêts pour les dégradations commises en octobre 2015. Un mot de météo, le Var et les Alpes-Maritimes ont été placés en vigilance orange jusqu'à ce soir 18h. Météo France prévoit des orages accompagnés de fortes pluies. 17h et presque 5 minutes sur France Inter, on file à la Bourse de Paris. Jean-Yves Courcial, c'est une fin de journée plutôt vertueuse. Exactement, mais le marché parisien connaît toutefois une petite baisse de régime et ne gagne plus que 0,71% à 4 419 points. Particulièrement optimiste durant une bonne partie de la séance grâce à l'action de la Banque du Japon, les investisseurs font désormais preuve de nettement plus de prudence dans le sillage de Wall Street. Le Dow Jones avance de seulement 0,28% et le Nasdaq plus 0,36%. Tous les investisseurs ont désormais les yeux rivés sur la Fed et attendent sa décision de politique monétaire. En attendant, du côté des devises, l'euro s'échange contre un dollar 11,39 et en ce qui concerne les valeurs, parmi les rares baisses au sein du CAC 40, Klépier subit des prises de bénéfices et cède 1,41%. Et les meilleures performances de l'indice reviennent aux financières qui sont soutenues par l'action de la Banque Centrale Japonaise. Crédit Agricole bondit par exemple de 3,05% ou encore AXA plus 3,12%. Je vous rappelle le CAC 40, il est en hausse de 0,71%, il remonte à 4 419 points. La bourse, Jean-Yves Courcial pour France Inter. Les samedis matins sur France Inter. Ok. À partir de 10h. Allez. On aura tout vu, le magazine de cinéma de France Inter. Christine Masson. Drôle d'endroit pour une rencontre, une actrice française, un réalisateur italien. Dedichiamo a richiesta. Pour deux films aux antipodes. Fuoco a mare. Et pourquoi pas, Laurent Delmas. Invité Juliette Binoche pour la ressortie de Mauvais Sang et Gianfranco Rosi pour son film Fuoco a mare, Ours d'or à Berlin. We will send rescue. On aura tout vu, le samedi matin sur France Inter. À partir de 10h. Disponible aussi à la réécoute. Et en podcast sur franceinter.fr. À samedi. Air France. France. La France. Is in the air. Tu les aimes, mes jambes? Ah oui, beaucoup, oui. Et tu les aimes comment? Longues. Oui, mais comment? Je sais pas. Mais bronzées, tant qu'à faire. Air France. France. La France. Is in the air. Avec Air France, découvrez Fort de France au départ de Paris à partir de 398 euros aller-retour, tout compris jusqu'au 29 septembre. Tarifs, offres et de services pour des départs du 1er novembre au 11 décembre 2016. France Inter. On aime. On aime. On vous en parle. Now, de Caroline Carlson, du 23 au 30 septembre au Théâtre National de Chaillot. Le dernier succès de Caroline Carlson revient à Chaillot après avoir tourné pendant 2 ans dans toute l'Europe. Puisant aux sources du zen, mais également aux écrits de Gaston Bachelard et Rudolf Steiner, cette pièce célèbre avec humour et poésie l'urgence de vivre l'instant présent. Retrouvez Now de Caroline Carlson dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr. C'est Credi, c'est le jour des enfants. Sais-tu qui est caché derrière ton transistor? C'est Charline, Alex et né Guillaume. Annule tes devoirs et tes rendez-vous sur Mythique. Et si tu écoutes, eh ben annule tout. C'est le jour de la régression. Bon, allez manger vos bonbons. Oui, bah oui, hein, j'y vais. Merci Laetitia Gaillet. C'est cette personne qui informe la France. Mais oui, oui. C'est, mais ça. C'est ça qui est bien. Voilà. C'est ça qui non, est non, bien. C'est important. Quand elle a fini, elle désinforme. Et oui, nous désinformons aussi. On désinforme aussi et on y travaille en plus, figurez-vous. Ça, c'est incroyable. Ça se prépare. Vous voulez écouter comment, Laetitia oui. Gaillet? Eh bien, à fond. Comme ceci. Salut les amis! Salut Alex! Joyeux anniversaire! Oh, c'est trop gentil d'y penser! Oh, les vraiment, amis. Tu les fais pas! Oh, oh, et en plus, on a un cadeau! Oh non, ça me touche! Attendez, ouais. Qui devait s'occuper du cadeau? Guillaume! Ah non, c'était pas moi le cadeau là! Non, mais c'est rien, non. Si vous avez rien, non, c'est ça arrive! Non, si, on a un cadeau! Non, on n'a pas de cadeau, Charlie! Si, on reçoit Bérénice Béjot! Non! Ah oui, si, exact, oui, c'est pour toi, spécialement Alex! Oh, vraiment, vous y avez pensé, les amis! Attends, c'est une alerte info! C'est quoi? Arrêtez tout! Oh, énorme info! C'est quoi? Oh, non! Attends, mais montre! Oh là là, j'y crois pas! On s'y attendait, mais c'est un choc! Moi, je le trouvais beau! Oh, ouais, enfin, chacun ses goûts! Mais qui, quoi? Oh, mais c'est surtout que la France perd un point de repère! C'est ça! Et tout le monde l'adorait! Ouais. Non, mais en plus, il le méritait! Tu vois. Oh, Charline. Non, mais j'étais pas toujours d'accord avec ses idées, mais enfin, j'admirais la combativité de l'homme! C'est vrai, mais c'est qui? Vrai, c'est non, vrai. Mais c'est vrai, les gens se moquaient parfois, mais il manquera au débat! Ouais, c'est sûr! Enfin, regarde! Mais oui! En primaire à droite, Hervé Mariton ne pourra pas se présenter! Oh là là! Le jour de mon anif. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui prépare un putsch contre l'actualité. Et voici les trois informations qui seront renversées d'ici 18h. L'Île-de-France déclare la guerre à la fraude dans les transports. Et il semblerait que les usagers français soient très bienveillants envers les fraudeurs dans ces transports, justement. Des yeux dans les yeux. Génie en bloc. et en détail. Ailleurs aussi. Le web sonne l'avènement de la vidéo aux dépens de l'écrit. Aujourd'hui, les blogs ne se lisent plus, ils se regardent. Les contenus s'appauvrissent et ça se ressent dans les chaumières. Bon, on se parle de quoi ? Mais je sais pas, pourquoi tu lirais pas un petit livre à Salomé par exemple ? Un livre ? Ben, je sais pas, une BD alors. La rupture entre Brad Pitt et Angelina Jolie ébranle le monde entier. Tout le monde s'en fiche, mais tout le monde en parle. Alors, quelles sont les réactions ? Oh non ! Oh non ! Oh non ! Voilà. Et oui. Oh putain ! Oh bravo, hein, bravo, hein, bravo, hein, bravo. Merci, merci. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui qui procède à un casting dans le Wouzou. C'est son petit côté Carla Bruni. C'est Alex Vizorek. Bonjour, je sais pas si je vais travailler aujourd'hui. Mariton, ça m'a mis une claque. C'est bon, dur. Bon, je vais présenter l'équipe qui elle va bosser. 17h20, celui qui raconte des histoires et en échange, les gens le payent. Autant vous dire que c'est l'idole de tous les papas du monde. Bonjour Thomas Bidguin. Oui, bonjour, bonjour, comment ça va ? Bon anniversaire. Merci, anniversaire, oui, oui, Alex Vizorek. Vous allez parler d'autre chose comme anniversaire ? Oui, ben oui, dans un deuxième temps, je vais parler de mobilité. Très bien. Catch me if you can. Très bien, 17h30, celui qui est né en Bourgogne, dans la même région qu'Alésia. C'est dire s'il est profondément gaulois, c'est Guillaume Meurice. Et oui, bonjour Alex, bonjour Charline. Ben justement, on va parler assimilation, puisque j'ai interrogé les fameux descendants des Gaulois ce matin, qui m'ont parlé des musulmans, ça faisait longtemps. On va les obliger à mettre le croquini, tiens. Voilà, le croquini, c'est bien, le débat avance. Bien. Il y a 17h40, celui qui est très actuel et qui a des valeurs. Bref, il a tout pour bosser à valeur actuelle, c'est Pablo Mira, bonjour. Ouais, salut Alex, salut Charline, salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la maltraitance des animaux dans les abattoirs. Alors, leur souffrance, Alex, est un malheur, mais pas seulement, car n'oublions jamais que derrière chaque animal qui souffre, il y a un barbecue qui chauffe. Bon, je me tourne à présent vers celle qui a tout annulé, qui est consternée d'ailleurs d'avoir tout annulé pour présider cette émission. Vous débutez au cinéma dans le film de Gérard Jugnot, Meilleur espoir féminin. Ce que vous confirmez en jouant ensuite dans The Artist, qui vous permet de recevoir un César et une nomination aux Oscars. Vous jouez autant la comédie que dans le thriller, OSS 117 ou le film d'auteur. Et Cannes vous attribue le prix d'interprétation féminine pour le passé de réalisation iranien Asghar Farhadi, et je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes Bérénice Bejo. Ah oui, oh, Alex. Oui, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Bonjour Bérénice Bejo. Bonjour à vous tous. Quel palmarès cinématographique incroyable, et c'est votre première fois au théâtre, si j'ai bien lu. Et voilà. Et Alex Vizorek était hier soir dans la salle. Mais oui, moi je vous avais quitté en femme abandonnée dans Joachim Lafosse, et je vous retrouve ici en femme convoitée dans cette pièce de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patellière. C'est la première fois que Bérénice Bejo fait du théâtre, alors ça fait 5 jours. Mm-hmm. Comment ça se passe ? Ça se passe de mieux en mieux. Mais c'est vrai que c'est difficile, hein. C'est comme une première fois. Ça fait quoi, 15-20 ans que je fais du cinéma. J'ai ma petite carrière qui se met en place. J'ai des choses qui se sont quand même super bien passées. Ça se passe pas mal, hein, on peut le dire. Vous avez une petite carrière qui est sympa. Hein. Non, mais ça va, tout va bien. Et c'est vrai que tout d'un coup, je me suis dit, mais pourquoi aller jouer au théâtre Édouard VII dans une pièce avec des auteurs aussi, réputés. Enfin, je me suis pas rendu compte de ce que ça avait. Stéphane De Groot comme partenaire, c'est pas un peu irradiant comme ça d'avoir un Belge talentueux autour de vous ? C'est pas votre ami, dis donc. Hein, on sent que c'est votre un ami. Peu, non, diaspora, mais tout. Moi, j'ai pris ça comme en me disant bon, ça va me changer. Je vais faire quelque chose de nouveau. Mais le duo fonctionne hyper bien, ouais. Ça, quand même. Je vous tiens à le dire. Et je voulais juste savoir comment on choisit sa première pièce, parce que vous avez un nom prédestiné au théâtre déjà, un prénom prédestiné au théâtre. Bah, je vous dis, en fait, j'ai pas tellement choisi. C'est que c'est. Ça fait bien 20 ans qu'on vous en propose. Non. C'est moi, je voulais pas faire de théâtre de toute manière. Ça m'intéressait pas parce que j'avais. C'était pas la même question. On vous en proposait. Non, mais vous je ne voulais. J'avais dit à mon agent de toute manière, ça ne m'intéresse pas. Je veux même pas savoir parce que j'ai une famille, des enfants qui étaient petits et je voulais pas sacrifier ma vie pour le théâtre. Là, mes enfants sont un petit peu plus grands, donc ça, je peux les emmener. Ils peuvent s'amuser un peu. Et du coup, je commençais tout juste à me dire, tiens, pourquoi j'irais pas faire un peu de théâtre ? J'ai tellement fait de cinéma dernièrement, j'ai envie de changer. Et 2 semaines après, j'avais cette pièce. Donc, c'est un coup de chance énorme. Et la pièce est une pièce qui parle d'amour, qui parle d'amitié, qui parle de rencontres, qui fait du bien, qui est légère, qui est tendre, qui est intelligente et qui me faisait du bien. Quoi. Et de quoi parle la pièce alors? J'en parlais pas trop parce que c'est toujours difficile avec ces deux auteurs qui sont formidables dans la façon de trouver des rebondissements. Mmh. Jusqu'où on peut raconter le pitch? Votre voisin, c'est Stéphane De Groot. Qui est formidable. Oui, qui est formidable, qu'on aime beaucoup. Qui est très drôle. Oui, qui est très drôle. Faut vraiment attendre que les gens arrêtent de rire pour que je puisse dire ma réplique d'après. Tout ça marche bien. La mécanique est huilée. Mais... Donc, il vient chez vous. Vous êtes écrivain en manque d'inspiration. Mm-hmm. Et après, racontez jusqu'où vous voulez, parce que ça n'arrête pas de rebondir. Bah oui, c'est un écrivain qui s'inspire, qui écrit sur sa vie, qui a eu une vie plutôt malheureuse. Et là, elle a l'impression que tout va bien, que sa vie va bien, qu'elle a un homme formidable, un appartement sublime. Elle écrit des pièces à succès. Et donc, du coup, elle n'a plus d'inspiration. Ça pose la question du faut-il souffrir pour créer? Bon, moi, je dirais non. mais en tout cas, voilà. Et cet homme arrive et lui dit, mais peut-être que finalement, tout ne va pas si bien. Et surtout, vous n'avez pas forcément besoin d'aller mal pour écrire. Mmh. Et c'est cette relation qui s'instaure, et c'est une vraie relation d'amitié entre deux personnes qui ne sont pas censées se rencontrer et qui vont se faire du bien. Et puis il propose un jeu pour faire aller sa créativité, jeu qu'on ne racontera pas. Et ils se mettent à jouer ensemble. Et qui amène à la suite de la pièce. Moi j'ai une question, vous jouez l'écrivain heureuse, donc qui pense qu'elle va avoir du mal à continuer à créer. Et si vous dites... Malheureuse. Et ensuite, vous nous expliquez aussi que vous vous êtes mis au théâtre en disant je suis vraiment inconsciente de le faire. Il y avait aussi ce côté où au cinéma vous avez eu énormément de succès, etc. Et il y a cette mise en danger et l'idée de se dire je vais pousser mon processus créatif encore plus loin et me mettre en danger. J'avais envie d'essayer quelque chose. Je sais pas, je viens d'avoir 40 ans, je me disais que c'était bien de tenter un nouveau truc. À quel moment on se rend compte que c'est une folie? Vous dites, je me suis rendu compte que c'était inconscient. Au moment de découvrir le texte ou des répétitions? Parce que moi je suis extrêmement... je suis dans le travail, donc tant que je suis dans le travail, j'ai pas de trac. J'essaye de comprendre un personnage, j'essaye de suivre une direction, j'essaye de connaître les gens qui sont autour de moi. Donc, non, le trac, il est venu la semaine dernière, quoi, le soir de la couturière. Il est venu surtout lundi, où c'est le soir de la générale, où là, c'est une soirée VIP, donc vous avez tout d'un coup tout le cinéma français qui vient. Et je me suis dit, mais quelle conne! Mais pourquoi faire ce casting géant de 700 personnes alors que tout allait si bien, quoi? Et là, j'ai vraiment eu peur. Ouais. Et maintenant, le public peut venir vous voir. Il était nombreux hier soir. Au théâtre Édouard VII, tout ce que vous voulez, c'est avec Stéphane De Groot, une pièce de Mathieu Delaporte, Alexandre Lapatelière, mise en scène de Bernard Murat. Et donc, c'est du mardi au samedi à 21h. Et le week-end, si vous venez à Paris le week-end, vous venez de région, sachez qu'il y a deux matinées, le samedi à 16h et le dimanche. Bon, mais les auteurs, c'est les auteurs du prénom, parce qu'on n'a pas dit, et le prénom, tout le monde le connaît. C'est vrai, samedi 16h et le dimanche à 15h30 aussi. Nous sommes en compagnie de Bérénice Bégeau. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Don't forget the night when the day began. Don't forget the night, who's just finished. Don't forget the day, why just living when the day began. Don't forget the night when the day began. Don't forget the night. Don't forget the day. Well, just living. Don't forget the night. wind the day you get gay. Don't forget the night, when the day you get gay. Don't forget the night, when you just finished. Don't forget the day, why, just a little. Don't forget the night, don't forget the night, don't forget the night. Lirita Mitsuko, Don't Forgive the Night. Et vous êtes sur France Inter. Bien sûr, et n'oubliez pas la nuit du coup. Non, nous sommes en compagnie de Bérénice Bejo que vous pouvez désormais voir au théâtre. Ça se passe à Paris, espérons plus tard en tournée, on ne sait jamais. Mais en tout cas, venez jusqu'au mois de janvier, en tout cas pour une première étape. Venez passer les fêtes à Paris, venez la voir au théâtre Édouard VII, dans tout ce que vous voulez avec Stéphane de Groot. Et autour de cette table, Alex ? Eh bien, nous avons Pablo Mira, malheureusement, il nous faut une fois par semaine. Nous avons aussi Guillaume Meurice et Thomas Bideguin. Et le journal ? Et le journal, c'est oh là là. La plus belle arme, c'est la sincérité. Le journal de presque 17h17. Nous allons installer le printemps dans ce pays d'homme. Et on commence par les titres. Christine Boutin a annoncé sur Twitter le décès de Jacques Chirac ce matin. Mais oui, elle qui d'habitude vit dans le passé, pour une fois elle était dans le futur. Média, en octobre sur C8, Cyril Hanouna se lancera dans 35 heures de direct non-stop. Oui, et là, même si vous êtes de gauche, vous avez une bonne raison d'être contre les 35 heures. Et il y aura des brèves. Oui, toutes petites. Avant toute chose, ce 21 septembre, c'est la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. L'occasion de rappeler qu'aujourd'hui encore, les laboratoires pharmaceutiques investissent davantage dans la lutte contre la calvitie que contre la maladie d'Alzheimer. Exact, un résultat, dans quelques années, on aura tous la coupe de Justin Bieber, mais plus personne ne se souviendra de qui c'était. Passons à l'actualité plus chaude. Oui. Christine Boutin a donc annoncé ce matin le décès de Jacques Chirac. Oui, et dans la foulée, Jeannette Bougrab a réagi. Je n'aimerais pas me voir pleurer. Et, mais... C'est assez difficile parce que j'ai le sentiment d'un immense gâchis. Voilà. Un immense gâchis. Voilà. Courage. Sans transition. Sans transition, selon un rapport de la Cour des comptes et du Conseil d'État. Ça sert à rien de dire les mecs et rire derrière. Hein, parce que, vous avez vu que moi, je ne suis pas mouillée dans cette information. Évidemment. Sans transition. Donc, oui. Selon un rapport de la Cour des comptes et du Conseil d'État, les anciens présidents de la République coûtent plus de 10 millions d'euros par an. Oui, et ça, c'est un des rares arguments en faveur de la réélection de François Hollande. On ferait des économies, du coup. Justement, à la tribune de l'ONU hier, oui. François Hollande a déclaré au sujet de la Syrie « Je n'ai qu'un mot ». Ça suffit. Oui, et la réaction à Alep. Voilà. Eh oui. Ouais, et il paraît que suite à ce « ça suffit », en se réveillant ce matin, Bachar el-Assad aurait réfléchi à deux fois avant de quand même répandre du gaz au chlore sur sa population. International toujours. Selon la fille de Kennedy, George Bush père va voter Hillary Clinton. C'est un petit peu foufou comme info. Voilà, ça, pour vous figurer, en France, ça donnerait une info du genre, selon la fille du général de Gaulle, Valérie Giscard d'Estaing va voter pour Ségolène Royal. International toujours. Un cousin de la reine d'Angleterre vient de faire son coming out. Oui, il passe de Queen Elizabeth au Queen de Freddie Mercury. Et en économie, selon une récente étude de l'université de Bond aux États-Unis, 21% des patrons seraient des psychopathes. Oui, et les 79% n'avaient pas le temps de répondre aux questions d'un petit con de scientifique qu'ils vont écraser comme une mouche à merde d'un revers de la main. En science, à présent. Les spécialistes s'accordent à dire que les trois quarts des espèces auront disparu de la surface de la Terre en 2020. Oui, excusez-moi, mais il faudrait être arrogant comme un scientifique pour penser que c'est nous qui allons les... En technologie, le jeu Pokémon Go a été banni du mémorial de la déportation de Drancy. Oui, c'est vrai que le slogan du jeu « Attrapez-les tous » faisait mauvais effet. On va rester sur la technologie. On a appris qu'Apple avait déposé un brevet. Apple a déposé un brevet pour un sac en papier recyclé blanc. Oui, sac vendu par Apple pour vomir le prix de l'iPhone 7. En média, en octobre sur C8, Cyril Hanouna se lancera dans 35 heures de direct non-stop. Oui, je serai les policiers de la brigade des stupes. Pour le dossier cocaïne, je ferai une descente à C8 ce jour-là. Et média, encore l'animateur Jean-Marc Morandini a été placé en garde à vue. Non, non, non. Ah si, si, si, c'est sûr. Ah non, ouais. C'est ça, mais Bah si, c'est confirmé par tous les sites de tous les journaux, Alex. L'animateur Jean-Marc Morandini a été placé en garde à vue, c'est écrit noir sur blanc. Bah, lui n'est pas au courant, parce que sur le site jeanmarcmorandini.com, extrêmement pointu dans ce genre d'info, il n'y a rien. Donc, excusez-moi, mais... c'est sans doute pas en écoutant Europe 1 qui va entendre l'info non c'est plus. Allez, une brève pour terminer. Allez, Normandie, victime de son succès, le crématorium de Caen va s'agrandir. Ah, vous voyez, hein, les climato-sceptiques ont raison, le réchauffement climatique et les canicules, ça a du bon. Vous êtes sur France Inter. En tout cas, vous, plus pour très longtemps. Et nous sommes en compagnie de Bérénice Béjot. On va aborder le premier sujet d'actualité avec vous. Vous avez vu qu'on allait au fond des choses et qu'on était très sérieux. Hein, donc le premier sujet, c'est l'Île-de-France qui déclare la guerre à la fraude. La guerre, c'est l'expression choisie, hein, je le signale. Toute la France est concernée par la fraude dans les transports. Elle laisse une ardoise de 500 millions par an. Ça n'arriverait pas si les transports étaient gratuits. Et d'ailleurs, ça attirerait sans doute de nouveaux usagers pour voir. Tu m'entends ? Je suis dans le métro, là. Ah ben, c'est pire que ce qu'on imagine, quoi. C'est, les gens ? Ben, les gens, ils sont normaux, mais vraiment genre normaux, quoi. Genre normaux, mais le bas de l'échelle du normal, quoi. Il y a même des enfants. Est-ce que je peux avoir votre place, s'il vous plaît ? Oui. Merci. Merci. Parce que sinon, je suis debout. C'est connasse, bien évidemment. Bérénice Béjot, avec votre notoriété, est-ce qu'il vous arrive encore de prendre les transports en commun, ou du moins le train, tiens, le TGV ou le métro? Oui, bien sûr. Ouais. Je prends plus trop le métro depuis 2 ans, mais ça n'a rien à voir avec ma notoriété, ça a à voir avec mon vélo électrique. Ah bon? Mais sinon, je me déplace généralement beaucoup, beaucoup en vélo, et depuis que j'ai mon vélo électrique, mais alors vraiment plus jamais le métro, mais je le prends. Si je dois, s'il pleut et que je dois emmener ma fille à l'escalade, je prendrai le métro, quoi. Mm-hmm. Les gens vont me regarder un peu comme ça, mais en même temps, ils s'en fichent. Hein. Alors, il y a un dossier dans Le Parisien aujourd'hui en France qui nous explique l'ampleur de la fraude. Il y a un journaliste qui a tenté de frauder pendant une semaine pour voir s'il était vraiment coursé par les contrôleurs, et il se rend compte que ce n'est pas tellement le cas. Moi, j'ai beaucoup fraudé. Ah, c'est vrai ? Oula, révélation. Beaucoup. Oui, dans le métro. Plein de fois, mais tout le temps. Mais en fait, je trouve ça, comment on dit ? C'est quand même assez débile, quoi. Excusez-moi, mais à Londres, il y a des contrôleurs. Ici, en France, ils se cachent derrière les couloirs. Mais c'est vraiment, mettez-vous devant et faites en sorte que les gens payent. Mm-hmm. Sinon, je trouve ça mais nul. Quoi. Effectivement, il y a un côté aussi dissuasif aux contrôleurs et qui permettent de mettez un contrôleur et arrêtez la fraude, mais cachez-vous pas derrière le couloir. Quoi. Et donc, comme vous trouvez que c'est mal organisé, vous fraudez. Non, mais enfin, quand j'étais jeune, je fraudais plein de fois parce que c'était cher. Mm-hmm. Parfois, il y a trop la queue, c'est trop long. De toute manière. Bon, je suis désolée. Hein, non, mais vous avez le mérite de l'honnêteté. Et puis, vous êtes très, très nombreux à nous écouter, à frauder aussi. Et moi, je vais le dire aussi. J'ai déjà pris le train. Il y a des fois, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. La machine est cassée. Moi, la SNCF ne peut pas prendre mon service, mon ticket. Bon, maintenant que je suis grande, je le fais plus trop quand même. Apparemment, les Français sont assez bienveillants vis-à-vis des fraudeurs. Ah, bah oui, moi, je tiens les portes aux gens qui veulent passer. Bah oui. Je donne de l'argent aux fraudeurs. Mais vous le faites pas, vous. Moi, il y a quelqu'un. Bah oui, enfin. Moi, je le dénonce. Donné, soit tu paies des gens qui sont là pour contrôler, soit, écoute, il a pas de thune, le pauvre. Georges Brassens proposait de faire des croche-pattes aux policiers. Ouais. Donc, c'est une tradition française. C'est une tradition. Et alors, on a le sentiment qu'il y a deux optiques. Il y a le côté, on déclare la guerre à la fraude, etc. Valérie Pécresse a repris la région Île-de-France en main. Et là, c'est ça Valérie Pécresse qui nous a fait rigoler. Et puis, il y a le côté bon, ben voilà. Et oui, évidemment, ça fait perdre de l'argent, mais on est bienveillant avec les fraudeurs, et le côté qui est toujours traité de laxiste. Vous vous situez un peu entre les deux ? Entre les deux, enfin, non, mais je pense qu'il faut prendre, comment on dit, c'est quoi le mot ? De se cacher derrière on les couilles. On va le chercher ensemble. Parapluie. Cherchons ensemble. Moi, je propose parapluie. Voilà. Voilà. Hypocrite, oui, voilà, c'est ça. Je veux dire, à Londres, je pense qu'ils ne fraudent pas. Tu ne peux pas frauder. Mm-hmm. Oui, c'est ça qu'on disait. C'est-à-dire... Donc, en fait, ils se font de la thune sur les fraudes. Ils font exprès pour que tu fraudes, pour qu'après te choper et te mettre une bonne prune. C'est un complot. Non, mais je plaisante, mais je pense qu'il y a un peu des deux. Il faut quand même. À Londres, les portiques sont tellement hauts qu'il faudrait y aller au saut à la perche. Ouais, déjà, c'est impossible de passer. Voilà. Donc, tandis qu'à Bruxelles, c'est tentant ici. Tout à fait open. Non, mais à Bruxelles, vous avez juste la machine pour valider le ticket, mais c'est totalement libre. Vous pouvez frauder, il n'y a pas de tourniquet. Il y a 4 stations aussi. C'est pas faux. Merci Thomas Bidegain. Merci, merci. Je vous sens très en forme, donc je vais vous laisser le micro. Bérénice Béjot, vous êtes d'accord? Allez-y Thomas Bidegain. Bon, ben voilà, c'est à moi. Donc, je viens comme il est tout rouge là. Toujours, mais évidemment. Comme toujours, je viens vous parler de storytelling. Oui, je sais que Christine Boutin avait annoncé que je ne viendrais pas, mais contre toute attente, ma famille a démenti. Alors voilà, le sujet du jour, c'est la mobilité. Mmh. On a besoin de mobilité pour raconter des histoires. On a besoin de diversité et de mouvement parce qu'on a besoin de rencontres. Déjà parce qu'avec un personnage seul, complètement seul, c'est difficile d'imaginer une histoire. À la limite, on peut imaginer un reportage sur Benoît Hamon, par exemple, ou un biopic d'Hervé Mariton, mais une chouette histoire, c'est quand même autre chose. Et pour ça, on a besoin de rencontres, on a besoin de croisements. On a besoin que les personnages sortent de leur bulle et se retrouvent projetés dans le fracas du monde pour que la magie des histoires puisse opérer, pour qu'un prince puisse épouser une bergère, pour qu'un postier du sud se retrouve chez les ch'tis ou pour que Paul Naref chante à la fête de l'Huma. Il faut que ça brasse. Voilà, les hommes politiques l'ont bien compris et c'est pour ça qu'ils aiment tellement se faire photographier à côté de gens qui portent des casques ou des blouses ou des bottes de pêcheur. C'est toujours marrant. Même Manuel Valls adore ça. À chaque fois, il demande à sa secrétaire de lui programmer 15 secondes de sourire. Donc voilà, l'ennemi du storytelling, c'est l'endogamie. C'est la triste idée de se marier dans sa rue. Regardez Brad Pitt, voilà, qui est une star de cinéma. Bon, il épouse Angelina Jolie, c'est une autre star de cinéma. Et du coup, ben, y a pas grand-chose à raconter, sauf quand ils divorcent. Et même ça, vu qu'ils sont dans le cinéma. Enfin, en revanche, Brad Pitt annoncerait qu'il se remarie avec, je sais pas moi, une jeune journaliste belge qui ferait des blagues à la radio ou un truc comme ça. Ben, voilà, là, il y aurait de la mobilité, là, il y aurait une rencontre. Ah là, là oui, ah là oui, là, là oui. Y aurait une ah, histoire. Là, il y a de la mobilité, oui. Voilà. Et ben, c'est pareil à l'échelle des pays. Vous voyez, par exemple, la Corée du Nord. Ben, ils restent bien ensemble, personne ne rentre, personne ne sort. Et ben, ils s'ennuient. Ils se retrouvent juste à faire des essais nucléaires. Kim Jong-un, voilà, il se coiffe comme un chef de gang dans une prison pour femmes. Et il attend que ses sourcils repoussent. C'est tout, ça ne leur vaut rien. Ça y est, la blague est arrivée oh, à ma première. C'est pas de laquelle il rit. Hein. Non, celle du début. Ouais, c'est Alex. Du début. On a besoin de mélange et de rencontres. Et l'on peut d'ailleurs évaluer la pertinence de chaque décision publique en se demandant si elle favorise ou pas la mobilité sociale. Et là, généralement, c'est dramatique. On s'en prendra aux pauvres au lieu de s'en prendre à la pauvreté et l'on embarquera en autocar les migrants ou les clochards pour les soustraire au regard des Parisiens. Ou on s'attaquera aux musulmans au lieu de s'attaquer à l'intolérance. Tout ça parce qu'une bagarre générale a éclaté sur une plage en Corse. Ou plutôt, comme on dit en Corse, qu'une baignade a éclaté pendant une bagarre générale. Et c'est comme ça. L'ascenseur social, c'est pas tellement qu'il est en panne. C'est qu'il donne directement accès au local à poubelle. On a vu, pendant un moment, on a cru que Internet allait être une réponse à tout ça, comme un instrument de brassage et de croisement. Mais force est de constater que les réseaux sociaux, au final, sont là pour réunir des gens qui pensent pareil, ou qui écoutent les mêmes chansons, ou qui aiment les mêmes vidéos de chats nazis qui jouent du piano. Non, une fois de plus, et malheureusement, ceux qui ont compris que la mobilité fabrique de belles histoires, c'est le Front National. Ils ont monté une baraque dans laquelle se côtoient des héritiers et des prolétaires, des homosexuels et des catholiques intégristes, des vieillards et des jeunesses, des libéraux et des protectionnistes. Oui, bon, d'accord, c'est un peu n'importe quoi, et on pourrait même hâtivement les taxer d'opportunisme, mais bon, tout le monde regarde. C'est quand même quelque chose. Et voilà qui devrait nous amener à réfléchir, nous autres démocrates sociaux, dans cette maison ronde. ce que l'on a à réinventer, ce n'est pas la ligne Maginot ou l'identité nationale ou la recette de la blanquette de veau, mais simplement une certaine idée de la mobilité et du brassage. Peut-être alors pourra-t-on recommencer à raconter des histoires que les gens auront envie d'écouter. Thomas Bideguin, merci. Oui, c'est chouette. Ouais. C'était chouette, dis-nous, Thomas. Ah, t'as vu ça, oui. Ouais. Le scénariste c'est de pas l'équipe facile, hein. En action. Ah, ben non. Tu peux, tu peux la refaire c'est ou pas métier. Hein, c'est la métier. La semaine prochaine. Merci, ah, Thomas Bideguin. Nous sommes en compagnie de Bérénice Bejo et son énergie, vous pouvez la voir au théâtre Édouard VII en ce moment, dans tout ce que vous voulez. Et vous êtes sur France Inter jusqu'à 18h. Mais où va le monde? Pourquoi des fois je me demande si les filles et les garçons sont si cruels? Où sont mes vrais amis? Pourquoi je me méfie? Qu'a-t-on pu bien faire de tous ces sacrifices? Oui, personne n'est fidèle, mais pourtant la vie doit rester toujours belle. Et peu importe si l'homme reste si cruel avec ce qu'il est, il faut sans doute pardonner, mettre son ego de côté. Pourquoi tout le monde se ment et se trompe jusqu'à se traîner dans la misère la plus totale? Donner ma confiance et mon cœur, pourquoi ça me fait si peur? Est-ce bien normal? Non, c'est pas normal. le monde. Pourquoi chaque fois que je veux bien faire les choses, ir toujours de travers? Pourquoi les gens se mentent? Pourquoi les gens se trompent? Est-ce que toi aussi, des fois, tu te demandes pourquoi la vie est si compliquée? Surtout quand deux personnes s'aiment et qu'ils semblent être bien ensemble. Ça paraît si facile, alors comment ça se fait qu'à chaque fois, ça finit en pleurs? Je n'en peux plus des histoires futiles, je n'en peux plus de tous ces bourreaux et de toutes ces victimes. L'homme se contredit à longueur de journée, il ne sait pas ce qu'il veut, c'est pour ça qu'on se fait du mal. Est-ce bien normal? Il y a des questions où je sais que je ne trouverai jamais la réponse. Il y a des choses auxquelles on ne peut rien faire, il faut sans doute s'en moquer, passer à travers. Et moi, je ne serai plus là. Moi, je ne peux plus cacher ma vie avec des histoires qui finissent toujours en drame ou en cauchemar. Je ne veux plus la femme. Vous rappelez la femme, Joconde. Ceux qui chantaient « nous étions deux », j'ai dit. Vous rappelez de ça? Non. Non, mais voilà. Il y a une petite culture quand même. Ça nous rappelle des souvenirs. C'était il y a quelques quand années. Ce sera reprendre, je vous enverrai. Nous sommes sur France Inter avec une équipe de déglingos, mais surtout avec Bérénice Béjot qui nous fait le plaisir d'être avec nous jusqu'à 18h autour de cette table. Tout à l'heure, vous entendrez Pablo Mira, oui, du Gorafi. Wow. Et en attendant, Bérénice Béjot, à vos côtés, il y a un certain Guillaume Meurice. Il est facétieux, je n'en dis pas plus. Il oui. Bien écoutez, dès que l'on devient français, nos ancêtres sont gaulois, a dit le druide de Nicolas Sarkozy après avoir fumé sa troisième boule de gui. Eh ben, pourquoi pas, hein. Moi, je suis allé à la rencontre de ces gaulois ce matin. Alors évidemment, hein, la direction de Gaulle Inter n'avait pas assez de sesterces, hein, pour me payer un char à bœuf vers le territoire des Carnutes ou des Pictes. Donc, je suis resté à Lutèce et je suis allé au Dolmen, hein, ce bar bien connu des amateurs de cervoise. J'y ai rencontré d'abord un individu prénommé Eric. Alors, à mon avis, c'était Childéric, hein, mais oui, il assumait pas bien son côté gaulois. Hein, c'est vrai qu'avant la phrase de Sarkozy, on avait du mal à assumer ça. Hein. On était discriminés, quoi. Hein, retourne de ta maison en torchis, on entendait. Enfin, c'était quand même violent. Alors, est-ce que lui, il se sent gaulois, d'ailleurs? On est tous des gaulois, c'est une formule adaptée au monde moderne. Vous pensez que c'est une formule qui est moderne? Ah, absolument, oui. Elle est moderne dans le sens où il faut bien l'interpréter. Ah oui, mais c'est ça, on a du mal ça, à bien l'interpréter. C'est très difficile à bien interpréter une phrase intelligente. Mais est-ce qu'on n'a pas l'impression au premier abord, c'est pour ça? Ah, au premier abord, elle paraît comme ça, très faible de réflexion, mais je pense qu'au contraire, c'est une très grande réflexion qu'il faut faire sur cette phrase. Eh ben, on va la faire, Partoutatis. Hein, une phrase intelligente comme ça, de la part de Sarkozy, ça mérite une réflexion. C'est une phrase qui a d'ailleurs provoqué une levée de bouclier chez les Français, hein, ce qui prouve bien l'origine gauloise, hein, de ces derniers. Alors, comme j'avais sous la main, vous avez vu, un historien, hein, la personne de Eric ou Childéric, je lui ai demandé si, par exemple, sur l'île de la Réunion, hein, qui est française, les ancêtres des habitants d'origine était bien gaulois. Oui, bien sûr. La Réunion, oui, était française encore, je crois, maintenant. Oui, oui. Bah, est-ce que les habitants, ils ont des ancêtres gaulois? Bah, ça n'a rien à voir, monsieur. Nous sommes en France, nous ne sommes pas à La Réunion. La Réunion, c'est quand même en France, non? Bah, c'est la France, mais qu'est-ce qu'à voir, La Réunion? Bah, est-ce qu'ils ont des ancêtres gaulois à La Réunion? Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Bah si, on se souvient tous de la victoire de Vercingétorix au Piton de la Fournaise. Évidemment, vous connaissez pas l'histoire ou quoi? Bon, allons voir une Française, tiens, à présent, est-ce qu'elle se sent gauloise? En ce qui me concerne, oui, les autres, je ne sais pas. Vous, vous sentez gauloise? Bon, je suis française depuis très longtemps, monsieur. Mes papiers remontent, vous savez, au 12e. Mais les Gaulois, c'était avant le 12e, hein, par contre. Oui, peut-être. Ah bah si, c'est sûr, ça c'est sûr. Hein. Je suis pas Alain Decaux, mais ça date un chouïa avant. Alors pour dater la Gaule, on dira que c'est l'époque juste après la naissance de Michel Drucker et juste avant la mort de Jacques Chirac. Hein. Comme ça, on prend pas de risque, on est large, c'est plus simple. Allez, poursuivons notre voyage en Gaule avec un autre habitant. J'ai une référence, effectivement, à l'histoire de France. Je lis Astérix. Donc vous êtes français. Oh, voilà. Ah merde, mais moi je lis pif. C'est français aussi. Voilà. Et si je lis les Schtroumpfs? Ah, les Schtroumpfs. Ouais. Moi, je, c'est, oui, bah, c'est belge, comme Hergé est belge. Oui, bah alors les Schtroumpfs, c'est Peyo, par contre. Mais on n'est pas obligé d'apprendre par cœur l'histoire de la Belgique. Hein, on s'en fout, c'est la culture belge. On s'en fout des Belges, hein, les barbares venus du Nord pour nous voler les blagues, hein, les blagues des honnêtes Français gaulois. Bon, poursuivons avec un autre habitant, alors qui, lui, me paraissait assez louche. Qu'est-ce qu'il pense de la phrase de Sarkozy ? Ah, il ne faut pas chercher midi à 14h. Vous, vos ancêtres sont gaulois ? Oui. Mais alors qu'est-ce que c'est que ce léger accent ? C'est un accent gaulois ? Non. Serbe. Oui, on ne sait pas les Gaulois, alors, ça, du tout. Non, mais quand on arrive en France, Sarkozy a bien dit, il dit, quand on adapte la vie française, on est tous d'origine gaulois. Vous devenez directement un descendant de Vercingétorix. Oui. Ah, ça, c'est intéressant. Un Serbe qui est descendant de Vercingétorix, c'est intéressant parce que c'est précisément ce que veut Nicolas Sarkozy. Hein. Mm. Donc, il est pour dire, oui, on a colonisé le pays de tes grands-parents, et bien maintenant, on va coloniser ton cerveau. Hein, c'est intéressant. Ça ferait passer Éric Zemmour pour Malcolm X, mais c'est quand même intéressant. On doit tous faire comme si on habitait en France depuis des générations. Hein. C'est bien ça, monsieur le Serbo-Gaulois ? On doit épouser les habitudes des gens qui vivent avant. Quand on arrive en France, on doit épouser l'histoire de France. On doit épouser l'histoire de France. Mais alors, si vous avez épousé l'histoire de France, est-ce que ça veut dire que vous avez aussi épousé le régime de Vichy, par exemple ? Mais il n'y a pas. Pourquoi ? Peut-être c'est le Pétain qui a... Il a amorti un peu le choc, ça sera pire s'il n'était pas là. Ah, si Pétain n'était pas là, ça aurait été pire. Ah oui. Ah bah oui, dis donc, il est devenu bien français quand même, ce Serbe-là. C'est reprenant de la graine, hein, les Français soi-disant de souche. Alors rappelons que Pétain a durci hein, les lois de répression envers les Juifs pour plaire aux Allemands quand même. Dans la logique du « il y en a un peu plus, je vous le mets quand même, monsieur Hitler ». Voilà, hein, on était dans cet esprit-là. Donc lui, il va plus loin que les Gaulois complexés. Tiens, d'ailleurs, retournons voir Éric Schilderic là, pour savoir d'où il vient. Ah, moi, je pense... Peut-être gaulois descendant viking, donc... Ouh là là. Oui, peut-être, je sais pas. Attends, les vikings, c'est étranger, hein. Bon, c'est de là-haut, alors... Ah oui, mais c'est de là-haut, mais c'est pas gaulois, un viking, hein, ça non, n'a rien à voir. C'est pas gaulois, mais enfin, ils les ont combattu, je crois. Enfin, non, c'est après, ou avant, je sais plus. Si vous êtes viking, vous n'êtes pas gaulois. Peut-être, je sais pas exactement mes origines. Ah, oui, parce que peut-être que finalement, on n'en a rien à foutre, en fait. Ah, peut-être que tu as un homo sapiens, et puis c'est marre. Peut-être qu'on en a plein le cul de voir tous les politiques reluquer le passé au lieu de penser à l'avenir. Merci, ouais. Guillaume Meurice. Bim. Une chronique qui a titillé les origines argentines de Bernice Bejo, j'imagine. Quoi ? Oui, mais il y a eu des Gaulois, l'Argentine. Et il y a eu des nazis. Ils y sont toujours, d'ailleurs. Bérénice Bejo, que vous pouvez voir au théâtre en ce moment. Et nous, on profite de sa présence pour aborder un autre sujet. Car après 6 ans passés en prison, un blogueur iranien découvre l'étendue des dégâts sur le web. La vidéo a supplanté l'écrit. Et c'est un problème démocratique, dit-il. Voyez un petit peu, par exemple, les conséquences. Hé, monsieur, comment vous appelez ? Ah, alors il faut aussi que je me présente. Voilà, je m'appelle Gérard Barbier. Je vais vous l'écrire. Monsieur, il y a 2P à m'appelle. Il y a 2P à t'appelle ? Appel, ça prend 2P. Appel, ça prend 2P ? T'es sûr ? Oui. C'est exact. Je vois avec plaisir qu'il n'y a pas que des idiots dans cette classe. J'avais fait exprès une faute d'orthographe pour voir si vous allez le voir. C'est bien, Nicolas, bravo. Peux t'asseoir. Coluche dans le maître d'école. Dans votre utilisation du web, Bérénice Bejo, est-ce que vous privilégiez les contenus vidéo ou l'écrit ? Ou alors vous n'allez pas tellement sur le web, finalement ? Ah non, moi, je ne vais jamais sur le web, en c'est fait. C'est vrai ? Ouais, je suis vraiment pas du tout connectée. Je l'utilise pas, quoi. Plus Minitel ou quand ça... Non, mais enfin, si je vais sur Internet, c'est pour chercher une adresse ou mais je regarde pas de vidéos. De l'utilitaire, quoi. Voilà. Non, rien du tout. Vous risquez d'être maman de gens qui consomment du web. Non, alors, avec mes enfants, pour le moment, ils ont 8 et 5 ans, ils n'utilisent pas du tout Internet. Ils vont pas du tout, voilà. Dans 3-4 ans, ça va vous tomber dessus. Oui, mais je vais gérer, je leur explique, mais pour le moment, je suis pas du tout là-dedans, moi. Mm-hmm. Alors, j'ai lu aussi que vous n'aviez pas la télévision. Non, j'ai pas la télé. Donc, vous saviez pas ce que c'était les nuls ou les bronzés, vous expliquiez, vous regardez des films, quoi, tout ouais, simplement, des ouais. cassettes vidéo. Ce qui n'est pas films. Forcément une bonne chose, hein. Mes enfants, heureusement, vont chez leurs grands-parents qui leur montrent dans la semaine une heure de télé, mais c'est vraiment un truc qu'ils ne font pas, quoi. Mmh. Alors, ils lisent plutôt et beaucoup. Oui. Ouais. justement l'écrit, ce qui est d'ailleurs le thème central de la pièce, hein, dans tout ce que vous voulez, eh bien, ce blogueur, Hossein Derakhshan, écrit une tribune dans Libération aujourd'hui. Donc après 6 ans d'isolement, il fait ce constat que la vidéo a supplanté l'écrit, parce que le web a commencé avec beaucoup de blogs, maintenant les blogs sont en vidéo. Et il dit, vu que la télévision a déjà contribué à dégrader le débat public, il alerte sur cette évolution du web. Et il dit d'ailleurs, maintenant Facebook ressemble à l'avenir de la télévision. Vous qui faites aussi un métier d'image, le cinéma, l'écrit, c'est la base de tout. Alors oui, mais là, vous me parlez tellement de charabia, je ne sais même pas quoi ressemble Facebook. Donc, je pense qu'à partir du moment où on véhicule des idées, bon, que ce soit en image ou par écrit, c'est déjà bien. Mm-hmm. Donc ça veut dire qu'on continue à réfléchir. Donc voilà. Après, je pense que le papier ne disparaîtra jamais. Enfin, moi, je lis sur les tablettes les scénarios, mais un livre reste un livre avec le ketchup, le thé, les pages cornées, l'odeur. Et je pense que les gens, ils se lasseront pas de ça. Donc on a plus de choses et... Je sais pas, j'essaye de pas être pessimiste par rapport à tout ça. Que vous-même, vous êtes actrice, mais pas créatrice, vraiment, enfin, si ce n'est du personnage. Ça vous titille pas quand vous jouez ce rôle d'écrivain, de temps en temps, de vous mettre devant une feuille blanche pour écrire des choses? Moi, j'écris tous les jours, pratiquement. J'ai un journal depuis que j'ai 10 ans. C'est vrai? Ouais. Ah, ça en fait des volumes. Oui. Et donc c'est quoi? C'est la peur de l'exposer aux autres? C'est que pour vous? Ah non, mais je le donnerai jamais à personne. Vous. C'est tellement inintéressant. Je ne vous demandais rien. Eh bien, on l'a retrouvé. C'est avec nous. Non, mais c'est que j'aime écrire et je pense que c'est important de s'exprimer, mais c'est pas forcément intéressant. Mais écrire du théâtre, du cinéma, des cartes blanches sur le monde. Ah non, je pourrais pas. Je crois que je suis pas assez intelligente pour ça. Oh non. Il n'y a pas besoin. Vous savez des fois. Si tout le monde pensait comme vous. Je suis pas assez pertinente et j'aime écouter, j'ai aussi le sens de mes limites, quoi. Donc non, je ne ferai pas ça. Bérénice Bejo qui écrit tous les jours pour elle et qui joue le rôle d'un écrivain dans tout ce que vous voulez au théâtre Édouard VII en ce moment avec Stéphane Degros, dont on vous rappellera tout ça évidemment à la fin de l'émission. Mais en attendant, passons à la prochaine chronique qui demande un petit rappel d'actualité. Une commission d'enquête parlementaire vient de préconiser la mise en place de caméras de vidéosurveillance dans les abattoirs pour éviter que les animaux soient maltraités. Pablo Mira, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, Charline, tout d'abord, moi, je vais vous dire, un abattoir, pour moi, voilà, c'est comme la chambre des parents, c'est un lieu stratégique pour la survie de l'espèce humaine, mais il s'y passe des choses sales qu'on n'a pas envie de voir. Alors, après la vidéosurveillance dans les abattoirs, je veux dire, voilà, pourquoi pas, à condition que les images ne se retrouvent pas sur Internet. Je veux dire, c'est vrai, si on veut voir sur le web du bétail maltraité dans des conditions déplorables, il y a déjà le site Jackie et Michel. Non, ce qu'il faut, voilà, c'est, je vous le dis, c'est que les patrons, ils se bougent. Et ben, il faut qu'ils se bougent, ils font rien, parce que là, ils font aucun effort pour rendre ces lieux plus chaleureux pour les bêtes. Alors que franchement, eh ben voilà, ça coûte rien de mettre des peaux d'ours sur le sol et des sculptures en ivoire pour égayer la pièce. Alors par contre, voilà, petite précision, faut pas non plus exagérer le problème. Selon les chiffres officiels, on a 1% seulement des animaux qui sont maltraités dans les abattoirs. 1%, ce qui veut dire que 99% des animaux nagent dans le bien-être avant qu'on décide arbitrairement d'y mettre fin. Et puis, il faut être clair aussi sur un autre point. Oui, il y a des améliorations à faire, mais il est hors de question de remettre en cause la consommation de viande. L'être humain, il est biologiquement carnivore, on peut pas faire autrement. Moi, par exemple, je me suis mis naturellement à manger de la viande très naturellement à l'âge de 5 ans quand mon père m'a obligé à le faire, vous voyez. Je veux dire, consommer de la viande en plus, eh ben c'est le cycle de la vie. Hein, ça, on le sait, on mange les animaux et à notre mort, les animaux mangent nos cendres. Sans oublier que... Autre point, Guillaume. Oui, bien autre sûr. Autre point. Bien sûr, et je suis attentif. La viande, eh ben, c'est bon pour la santé. Et voilà, c'est bon. Hein, en mangeant de la viande matin, midi et soir, mon grand-père, eh ben, il a vécu jusqu'à 37 ans. Et ça, avec les artères bouchées depuis 22 ans. Vous vous rendez compte? Mais assez parlé de moi, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre avis, vous, chers auditeurs. On a justement eu une auditrice au téléphone. Julie, vous militez pour l'association L214 qui défend les droits des animaux. On vous écoute. Oui, bonjour Pablo. Je voulais juste vous faire remarquer que... Oui, alors attendez, je vous arrête. Je vous arrête tout de suite, Julie. Vous n'allez rien faire remarquer du tout. Ici, c'est moi qui décide. Au revoir, Julie. On va prendre un autre auditeur. On va prendre Thierry qui travaille à l'abattoir d'Alès. Thierry, bonjour. Salut Pablo. Alors Thierry, vous pensez quoi de ce débat? Ah, écoutez, Pablo, moi, je pense que vous avez raison. Merci, Thierry, pour votre témoignage. Thierry, ne raccrochez pas, on vous reprend au standard. Et vous savez quoi, Thierry ? Vous allez repartir avec un t-shirt de l'émission, un écran plat, une enveloppe avec de l'argent liquide dedans à venir chercher à l'accueil de France Inter. Et puis, Thierry, comme vous êtes sympa, je vous aime bien, c'est pour nous, c'est cadeau. On vous offre aussi un pur sang arabe vivant à déguster en famille. Ah, ça c'est super, Pablo, merci. En plus, ça tombe bien, j'adore l'argent. Ouais, c'est toujours sympathique. Donc voilà, on voit bien que vous êtes d'accord avec moi derrière votre poste. On en a marre des véganes et des hippies qui nous sortent des « les animaux sont des êtres sensibles ». C'est faux, mon chat Angora, par exemple, il n'a pas versé une seule larme devant la liste de Schindler. Et pourtant, je l'avais acheté dans le sentier. Pour conclure, je dirais qu'il voilà, il faut que les animaux qui nous écoutent, hein, qui écoutent la radio aujourd'hui, se rassurent. On n'arrête pas de penser à leur bien-être. Et ça, même lorsqu'on les amène à l'abattoir. Imaginez un instant. Vous êtes un veau, ok ? Transporté sur un tapis roulant dans une salle froide et bruyante. Vous piétinez dans les déjections laissées par d'autres devant vous. Ça meugle de partout. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous ne comprenez pas où vous êtes. Vous recevez des coups de tête d'un congénère paniqué, vous voulez partir, mais vous pouvez pas, vous êtes coincé. Et puis tout se mélange dans votre tête, les scies électriques, le sang qui gicle, une main qui vous agrippe, l'électricité, un crochet, le cri du veau juste à côté, et puis tout d'un coup tout devient noir. Mais n'ayez pas peur, on a pensé à vous, on a mis des caméras de surveillance. Yeah. C'est bon. Pablo Mira. Et l'effroi qui suit. C'est encore du Pablo Mira. Co-fondateur du Gorafi qui vient équilibrer le point de vue dans cette émission. Merci Pablo. Nous sommes en compagnie de Bérénice Béjot pour encore une dizaine de minutes. Alors on en profite et on aborde le troisième sujet avec vous. C'est ce qu'on appelle un couple de légende. La preuve, c'est qu'ils finissent par se séparer. Comment Brad Pitt et Angelina Jolie ont rendu leur couple aussi célèbre que leur film? Cette légende débute en 2005, paraît-il, sur le tournage de leur premier long métrage en commun, Mr. and Mrs. Smith. Et hier, à l'annonce de leur divorce, on ose à peine imaginer leur dernière scène de ménage. Enfin, ma pupuce, mais enfin, t'es malade ou quoi? Enfin, t'as pensé à la petite? Enfin, ma pupuce, mon minou! Y a plus de minou, y a plus de pépus. Et puis c'est toi qui es malade, mon pauvre ami. Et puis tiens, t'as qu'à dire aussi à ton timbré de beau-frère qui compte plus revoir ma sœur. Vous avez fait assez de dégâts comme ça. Mais c'est qui n'est pas là? Oh, toi ta gueule, toi, hein. T'es malade, dehors, j'appelle les flics. Oh, ouais, pas la peine, on n'a pas besoin de toi, c'est un infomane de sœur. C'est très bien où je suis. Je te donne pas une semaine pour venir me supplier à genoux. Sans moi, t'es rien. Un extrait du film Le Pari. Alors on s'est aventuré dans un sujet people, ça ne nous arrive jamais. Mais on a ouvert la presse ce matin et tout le monde en parlait. C'était voilà, Brad Pitt, Angelina. Déjà, Bérénice Béjot, vous les avez déjà croisés séparément ou ensemble? Oui. C'est vrai. Et alors il se dégage un magnétisme incroyable. Qu'est-ce qui c'est? Oh, c'est oui, je vous traduis le sourcil interrogateur. Vous trouvez que lui est plus charismatique? Parce que moi je penserais plutôt elle, mais moi je préfère lui. Mais je pense que vous êtes un homme et moi je suis une femme. Eh bien, ça pourrait jouer, Bérénice Béjot. Bon, bah, je crois qu'on est hétéro. Mais est-ce que c'est des bons comédiens? Ah non, mais alors là, je... Brad Pitt, c'est quand même un très bon comédien. C'est ça, mais est-ce quoi. Que... Et Angelina Jolie, là, dernièrement, j'ai pas trop vu, mais c'était une très bonne comédienne. Je pense que oui, les deux sont des très bons comédiens. Puis des icônes aussi, hein. Oui. Elle a travaillé son côté aussi féministe, écologie, oui, etc. Il y a tout un storytelling, nous dirait Thomas Bideguin, sur les enfants, etc. Oui, c'est agencé comme il faut. Ouais, ouais. Il y a une boutique derrière. Et puis ils achètent des enfants en Afrique. Enfin, c'est formidable, il faut manger le commerce. Ouais, c'est formidable. Alors l'équipe du film Mr. and Mrs. Smith explique la magie de leur rencontre sur le plateau qui aurait servi le jeu d'acteur. J'ai l'impression d'être chez le coiffeur. Quand on voit Thomas Vous pensez qu'il y a une question intelligente possible sur ce sujet? Peut-être, ou pas? Allez-y. Moi, je me suis dit, je renonce à poser la question intelligente. La façon dont la presse en parle, c'est quand même jamais sur France Inter à 8h, on parle d'une info people. Marc Fauvel, ce matin, à la fin de son journal. Ah bon? Ah ouais, c'est vrai. C'est une information. Peut-être que c'est la faillite du journalisme aussi. Ah, ça, peut-être c'est une autre. On embrasse la rédaction de France Inter. Non, mais voilà, l'équipe du film contribue à ce post-storytelling, parce que maintenant qu'il y a le divorce, on réexplique pourquoi sont-ils devenus un couple de légende. Ça existe, les couples de légende au cinéma. Bien sûr. Il y en a plein, mais est-ce qu'aujourd'hui, peut-être, il n'y en a pas moins et que, voilà, ça fait rêver, parce que tout d'un coup, c'est la fiction qui se continue dans la réalité. Mm-hmm. C'était quel couple qui vous est rêvé quand vous aviez 15 ans? Moi, ça devait être Cassavet. Ah non, pas du tout. Bah non, je regardais pas la télé. Donc ah vraiment, mes références quand j'étais dans les films que vous regardiez en cassette vidéo. Ouais, bah ouais. C'était plutôt Cassavet. C'était Catherine Hepburn et Spencer Tracy. Moi, c'était c'est notre classe. Ouais, c'était. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor et Richard Burton, mais moi c'était des couples qui étaient plutôt sympathiques, quoi. Catherine Hepburn et Spencer Tracy, c'était quand même ouais, quelque chose. Ingrid Bergman et Rossellini, c'était quand même aussi quelque chose. Elle quitte un pays, elle va voir quelqu'un d'autre. Enfin, moi c'était des histoires comme ça plutôt. Mm-hmm. Et qui font rêver, donc. Mmh. Oui. Mais est-ce qu'il y a encore cette mythologie hollywoodienne aujourd'hui, ou est-ce que vous qui avez été aux Oscars, quand même? Non, mais bon, moi maintenant je fais partie du métier, donc je sais pas. Ou on a encore le regard français là-dessus. Michel et Bérénice. Ouais, bah ouais, mais Michel Hazanavicius. Je vois pas comme. Non, mais moi je crois toujours en l'amour, mais c'est vrai qu'Angelina Jolie et Brad Pitt, c'est énorme, donc je sais pas trop quoi en penser. Je leur on titrera bien, comme ça. Bérénice Bejo, je crois toujours en l'amour. Ouais, je vais citer un producteur et scénariste qui s'appelle Akiva Goldsman, qui s'est exprimé sur le Huffington Post américain et qui dit: je crois que ce parallèle entre la vie et l'art ne peut que nous enchanter. Il y a une sorte de voyeurisme dans le cinéma, même si ce n'est pas la réalité. Et ça rejoint ce que vous disiez, Bérénice Bejo, très justement. Alex Vizorek a écrit lui aussi. Il aime l'écriture. Et oui, comme vous êtes comédienne, tous les jours, on propose un sketch à l'invité qu'il accepte tous les jours avec beaucoup de plaisir. Voilà. Et aujourd'hui, je vous propose le rôle de Marion Cotillard. D'accord. Car suite aux événements Angelina Jolie Brad Pitt, la rumeur qui revient, c'est qu'il aurait fricoté avec Marion sur un tournage. Angelina Jolie, elle avait même engagé un détective privé. Ce matin, sur RTL, elle a dit: je suis dévastée par ces rumeurs. On a l'enregistrement. Vous êtes Marion Cotillard, Guillaume Meurice, le conseiller com. Y a je pas suis de piège, journaliste pas. Sur RTL. Bonjour Marion Cotillard, comment allez-vous? Mal, très mal, je suis dévastée. Ouais, c'est bien, parfait Marion, c'est bon. L'affaire Brad Pitt, ça vous a fait souffrir? Entre autres, vous savez, moi je suis à fleur de peau et j'ai beaucoup d'empathie. Ouais, et ouais, c'est parfait. Vas-y. Et quand je parle de la Syrie, ben je souffre. Ouais, putain, c'est bien ça. Vas-y, ouais. Et quand un enfant pleure, je souffre. Très bien. Et quand un moustique s'écrase sur une fenêtre, je souffre. Ouais, juste, n'en faites pas trop quand même, Marion. Quand je croque mon Chocapic, je souffre pour lui. Putain, ça y est, elle en fait trop. Non, D'accord, je crois qu'on a compris. Mais je voulais revenir donc sur l'affaire Brad Pitt. Voilà, alors là vous dites, vous croyez pas qu'il y a des sujets plus importants? Dites, vous croyez pas qu'il y a des sujets plus importants? Non, sans le dites. Ah. Pas dire le dites. Oui. C'est confus. Quel sujet, par exemple? Hier, j'ai mangé un peu d'ananas et là, j'ai un aft. Marion Cotillard, aujourd'hui, vous êtes à l'affiche d'un film de Xavier Dolan. Oui, il est très sensible. Quand un moustique s'écrase... Oui. Un film avec Léa Seydoux, notamment. Elle est très sensible aussi. Oui, j'imagine. C'est parce qu'elle est née dans la rue. Oui, justement. Oui. Quels sont vos amis, alors, dans le milieu, que vous n'allez plus avoir, d'ailleurs? Parce que, et vous, je découvre quand même. Oui, en même temps. J'adore Bérénice Bejo. Ah. Elle a énormément de talent. Et vous savez quoi? Elle est très sensible. Comment vous le savez? Et Angelina Jolie, vous... Oh, elle est très sensible. Oui, je me doute. Oui. Quand je l'ai appelée pour lui rendre Brad... Non, putain. Ah, oui, mais dites-le nous, du coup. Eh bien... Ça a sonné occupé, dites. Ça a sonné occupé. Ah, ouais. Et le fait de ne pas décrocher le téléphone, c'est une preuve de sensibilité. Oui, donc vous ne dévoilerez rien sur votre histoire. Voilà, c'est ça. Balance la promo, là. Si, je vais écrire un livre. Sensible. Et qui s'intitulera? Bah, c'est inspiré d'un de mes romans préférés. Tristan et Iseut? Non, ça s'intitulera Thank You for This Moment. Bérénice Bejo, voilà, j'espère bravo. Que vous n'étiez pas amie, parce que c'est foutu. Merci beaucoup Bérénice Bejo d'être restée avec nous. Je rappelle qu'on peut vous voir au théâtre Édouard VII dans Tout ce que vous voulez avec Stéphane de Groot, mise en scène Bernard Murat, une pièce de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière. Théâtre Édouard VII donc du mardi au samedi à 21h et en matinée le samedi à 16h et le dimanche à 15h30. Merci à tous, merci Bérénice Bejo et à demain. Merci beaucoup. Du lundi au vendredi matin sur France Inter. À partir de 10h, grand bien vous fasse, la vie quotidienne à la sauce Inter. Ali Rebéi. Demain, on s'intéresse aux prénoms qui parfois influencent nos destins. Dites-nous sur notre page Facebook ou sur notre adresse grandbienvousfasse@radiofrance.com si votre prénom a été un fardeau social, une source de discrimination ou s'il a été au contraire bénéfique. Grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter. À demain. À partir de 10h. Disponible aussi à la réécoute et en podcast sur franceinter.fr. Radio France Faites le Sport et vous invite à la deuxième édition de Vertigo, une grande course verticale à la Maison de la Radio. Dimanche 25 septembre, oubliez l'ascenseur et venez gravir les étages en un temps record. Un défi sportif et ludique, ouvert à tous. Vertigo. Affrontez les 70 mètres, 22 étages et 365 marches de la célèbre tour de la Maison de la Radio à Paris. Vertigo. Avec Gautier, fabricant français de mobilier contemporain, à découvrir dans nos magasins et sur gautier.fr. Vertigo. Toutes les inscriptions seront reversées à l'ONG Play International pour l'éducation et l'accompagnement par le sport. Inscrivez-vous dès maintenant sur vertigomaisondelaradio.org. vertigomaisondelaradio.org. Et ce soir, dans le nouveau rendez-vous à 22h, vous retrouverez Pénélope Bagieux, l'auteur de BD. Voilà, ça me permet de donner une petite info comme c'est, ça. C'est très confraternel. Voilà. Très confraternel. Allez, il est 18h sur France Inter. Bonsoir Nicolas Demorand. Bonsoir Charline Vanhoenacker et bonsoir à tous. Bienvenue dans le 18-20 de France Inter, le programme de ce mercredi 21 septembre, 18h15. Dialogue entre Saul Friedlander et Georges Bensoussan, historien du nazisme, historien de la Shoah. Ils sont les invités d'un jour dans le monde. À 19h20, le téléphone sonne sur la voiture dans les grandes villes. Faut-il bannir la bagnole, pour le dire grossièrement? Vos questions 01 45 24 7000, franceinter.fr et Twitter avec le mot-clé Telson. Le journal, tout de suite, c'est avec Florence Paracuelos que je salue. Bonsoir Florence. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. À la une ce soir, la sœur d'un gros poisson entre les mains des services de renseignement. Anne Klein, sœur de Fabien Klein, vétéran du djihadisme français. C'est sa voix.